Lettre 62e, Théophanie à Sulpici, Nicée, décembre 302. Il est peut-être indiscret et téméraire de te rappeler une personne que tu reçus avec amitié dans ta retraite, au moment où toute une nation vient d'acquérir des droits à ta bienveillance, et le tourbillon du monde emporte tes moments de loisir. La place à laquelle le sort t'a élevé ne te permet plus de te livrer à des relations particulières. Tu dois à présent t'occuper du bonheur de ton peuple, plus que des plaisirs de tes amis. La reine d'Arménie et la citoyenne de Rome ne sont plus la même personne, et ne peuvent plus avoir les mêmes relations. Mais je suis bien trompé si elles n'ont pas le même cœur. La citoyenne romaine reçut avec bonté, il y a quelques mois, une pauvre étrangère, et lui témoigna le plus flatteur intérêt. La reine d'Arménie recevra de même cette lettre, et me pardonnera de me rappeler à son souvenir avant son départ de Nicomédie. Te voilà donc uni pour jamais à l'homme à qui tu as donné ton cœur. Le ciel soit avec toi, ma chère Sulpici. Tu vois combien je compte encore sur l'amitié que tu m'as offerte et promise. Le ciel soit avec toi. Puisse l'avenir te dédommager au centuple des maux du passé. Tu ne doutes pas, j'espère, du tendre intérêt que je prends à ta félicité et des prières ferventes que j'adresse au ciel pour qu'elle soit aussi durable qu'elle est grande. Et quoique ces prières s'adressent à un autre Dieu que les tiens, tu ne dois pas les croire moins efficaces. Ton amie n'a cessé, depuis qu'elle t'a vu, d'implorer pour toi le Dieu qu'elle adore. Et ce n'a pas été sans effet, quoique tu aies souffert en ce monde, et lors même que tu serais encore destiné à de nouvelles épreuves, tu n'en auras pas moins joui du plus grand bonheur de cette terre, celui d'appartenir à l'homme que tu aimes avec tant de passion. Ah, tu peux en croire celle qui s'en voit jamais privée. Cette félicité doit compenser un siècle de peine. Rien n'a changé dans ma situation. Depuis que j'ai quitté Saint-Iom, je vis tranquille et caché. J'ai renoncé depuis longtemps à l'idée d'être heureuse. Je ne demande que d'être en paix et oubliée du monde entier. Je n'en accepte que toi et une autre amie qui m'est bien chère. Voilà mon univers. Mes plaisirs consistent à être témoin du bonheur domestique d'une famille respectable qui m'envisage comme en faisant partie et ne me laisse pas sentir mon isolement. Mon premier devoir est donc de faire de mon côté tout ce qui m'est possible pour augmenter leur simple jouissance. C'est dans ce but que je risque de renouveler la prière que je t'adressais dans ma précédente lettre et que tu m'accordas avec tant de bonté, même avant de savoir ce qu'elle contenait. Peu de jours après mon arrivée à Nicée, il fut question de la solennité du jour où le tribun entra à Nicomédie, comme messager de la victoire. Je racontai que j'en avais vu un dessin merveilleusement bien exécuté, et que j'avais remarqué avec plaisir l'exactitude de tout le tableau, de même que l'expression de toutes les physionomies. Je leur parlai aussi de celui qui représente la fête que Calpurnie donna à son ami, où elle s'est peinte elle-même dans un costume et dans une attitude qui ajoute encore à sa beauté. Mon respectable hôte, qui est artiste et grand connaisseur des beaux-arts et des beaux modèles, témoigna le désir de voir ses dessins. Je me tus, craignant qu'il n'y eût quelque difficulté à lui procurer ce plaisir. Cependant, je ne pus m'empêcher de t'en parler, et je te prie, moins pour moi que pour l'excellent Lysias, d'engager ton ami à nous confier pour quelque temps ces deux dessins. Dès que nous les aurons vus et admirés comme ils méritent de l'être, j'aurai soin de les lui renvoyer promptement et de manière à ce qu'il ne puisse se gâter. Je sens bien que ma demande est indiscrète. Mon admiration pour les talents distingués de Calpurnie et le désir d'en faire juger un vrai connaisseur seront mon excuse. Elle n'a rien à te refuser et si tu plaides ma cause, je la regarde comme gagnée. Adieu, bonne et chère amie, ton titre de reine n'exclut pas celui d'ami dans des cœurs tels que les nôtres.